Chapitre 366. L'interdiction de garder le silence toute la journée. 1800. Ali, radiallahu anhu, a dit: j'ai retenu ces paroles du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Nul n'est considéré orphelin après la puberté, et il n'est pas permis de garder le silence toute la journée. Abu Daoud, avec une bonne chaîne de narrateurs. En commentaire de ce hadith, Al-Khattabi affirme: à l'époque du paganisme, les Arabes faisaient vœu de silence. Puis cette pratique leur fut interdite avec l'avènement de l'islam qui leur imposa l'évocation d'Allah, le dhikr, et les bonnes paroles. 1801. D'après Qais ibn Abi Hazim, Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, entra chez une femme de la tribu des Ahmas nommée Zainab, qui gardait le silence. Il dit: qu'a-t-elle à ne pas parler? Elle a fait vœu d'accomplir le pèlerinage en gardant le silence, expliquèrent les gens. Parle, car ceci, le vœu de silence, est une pratique prohibée et héritée de l'ère païenne, de la Jahiliyyah. Elle rompit alors son silence. Al-Bukhari.